bonsoir à tous. Merci d'être venus, aussi nombreux. Donc, nous avons décidé ce soir d'organiser un débat sur le travail du sexe. Alors, travail du sexe, c'est un terme qui pour certains peut être un peu nouveau. On vous expliquera pourquoi ce terme-là. Pourquoi on a décidé d'organiser ce débat-là ? Ben depuis quelque temps, on a pu faire le constat d'un retour en force de l'ordre moral à travers la religion, ou même sans passer par la religion, à travers des politiques d'État qui mettent en avant une certaine idée de la morale. Et dans ce retour de l'ordre moral, en première ligne, on trouve les travailleuses du sexe qui subissent une répression policière extrêmement féroce. Voilà, donc ce soir nous avons Marie, travailleuse du sexe, qui va nous parler de son quotidien et de ce que les diverses lois impliquent dans ce quotidien. Voilà, je te laisse la parole. Yep. Donc bonsoir, donc, je suis Marie, donc, je suis travailleuse du sexe depuis presque 2 ans sur Toulouse. J'ai travaillé plus d'un an dans un bar à hôtesse. Et ça fait maintenant quelques mois que je suis escort girl indépendante. Donc en premier lieu, je voudrais préciser qu'il y a mille et une façons de faire la pute, que ce que nous propose l'imaginaire collectif et puis les médias, etc. En ce moment. Donc évidemment, une des premières images, c'est la fille de rue sans papier avec un Mac qui la viole et qui lui prend sa thune tous les jours, paumée et emprisonnée dans un réseau mafieux. Puis à l'opposé, on a l'escorte de luxe qui cible l'argent facile, qui baisse que dans des hôtels 5 étoiles et qui se coque avec ses clients qui sont que des notables. Voilà. Donc il y a ces deux images-là qui se confrontent. Et puis bah, au milieu, bah, y a toutes les autres putes, dont moi. Donc le seul point commun qui existe entre ces deux stéréotypes et nous toutes, pour l'opinion publique, c'est le besoin a priori d'argent. Mais qui c'est qui n'a pas besoin d'argent aujourd'hui ? Et qu'on pratique donc cette activité sous la contrainte économique et qu'on est forcément paumé et donc victime, à différents degrés évidemment. Donc pour éviter de tomber dans ces représentations un peu erronées, je vais vous parler de mon quotidien et celui de mes copines qui sont travailleuses du sexe, donc ma réalité à moi quotidienne. En gros, qu'est-ce que fait une pute en se levant le matin ? Ça n'a pas vocation à être généralisable à l'ensemble de toutes les prostituées, mais c'est plus réaliste que la plupart des propos que vous pouvez entendre qui sont relayés par souvent des personnes qui n'ont jamais discuté avec une seule pute de leur vie. Alors, et après ça, on parlera peut-être plus des enjeux politiques, évidemment, et puis des luttes des travailleuses du sexe et des travailleurs du sexe. Donc, en premier lieu, c'est quoi une escort girl ? Puisque c'est le nom qui nous définit. Donc, a priori, c'est un joli mot pour désigner en fait les putes qui travaillent par le biais d'Internet. Puisqu'évidemment, le terme de prostituée ou de pute a trop de connotations négatives. Donc, on ne dit plus « je vais aux putes », mais « je fais appel à une escorte ». Et notamment, ça se traduit par le nombre de mes clients qui me disent que moi-même, je ne suis pas une pute, mais une escorte, parce que ça les rassure eux-mêmes de se dire qu'ils font appel à une escorte, puisque le client aussi qui va aux putes a une image de... En gros, qui est entre le salopard et le gros porc, un truc comme ça, quoi. Donc, en tout cas, pour s'installer, l'escorte a besoin de se mettre sur Internet. Donc, pour ça, de mettre en place des annonces ou plusieurs annonces sur des sites spécialisés ou avoir son propre site personnel. Donc, les sites spécialisés, il y en a à foison, il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y a toutes les formules possibles. Après, sur ton annonce, en fait, tu commences déjà à sélectionner tes clients par ce biais-là. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont tu te présentes, tu fais déjà une sélection. Donc, tu n'attires pas les mêmes personnes. Il faut mettre un court texte qui explique tes prestations. Tu ne parles jamais de sexe clairement parce que ce n'est pas forcément très légal. Tu mets des photos, tu mets une description physique. Et après, tu mets évidemment ton numéro de téléphone et ton mail si tu as envie, voilà. Et après, parfois on a des tarifs, parfois pas, parce que encore une fois, c'est une question de légalité. Sinon, on peut mettre à la place des euros, on met des roses, c'est plus sympa. Donc à partir de là, une fois que tu es installé sur Internet, tu attends le coup de fil, le mail, le SMS, voilà. Et c'est à partir de là que tu commences la négociation avec tes clients. Donc tu dois expliquer clairement tes prestations sexuelles, tes tabous, c'est-à-dire que en fait, c'est ce que tu ne fais pas, ce que tu n'acceptes pas, et si tu te déplaces à l'hôtel, à domicile, ou si tu reçois. C'est à ce moment-là que tu parles clairement d'argent, tu précises tes tarifs et tu fixes la durée de la rencontre et le lieu. Donc il faut savoir qu'il y a énormément d'appels. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément prise de rendez-vous à chaque appel, mais ça veut dire qu'il y a quand même énormément de demandes et que tous ces hommes ne peuvent pas tous être des pervers, sinon on couche tous avec des pervers. Voilà. Que ça soit tarifé ou non, bien sûr. Voilà. Donc à partir de là, tu as réussi à avoir ton rendez-vous, tu es calé, ok, tu y vas ou tu reçois. Ça dépend. Mais dès les premières secondes, si c'est un nouveau client, nous, on a l'habitude de faire entre nous, t'envoies un texto devant lui pour que la personne en face de toi, donc ton client, sache qu'il y a quelqu'un qui est au courant d'où tu es. Donc tu l'envoies réellement ce texto, hein, c'est pas du bluff, à une personne, donc une amie qui fait le même travail que toi la plupart du temps. Et tu lui dis combien de temps le rendez-vous dure et tu lui donnes l'adresse précise où tu es. Voilà. Et après, à la fin du rendez-vous, tu la retextotes en disant que ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. C'est un moyen de protection, c'est un des seuls moyens qu'on a pour se protéger. Voilà, évidemment, si elle n'a pas de nouvelles, elle met en place le sauvetage. Alors, à partir de là, voilà, j'ai expliqué à peu près la base concrète de mon travail, des rendez-vous, etc. Après, ce dont je veux parler, c'est sur le plan administratif et législatif. Donc, il faut rappeler que la prostitution est légale en France. Ce qui est illégal, évidemment, c'est proxénétisme et racolage. Ce qui signifie donc que je me suis déclarée à l'URSSAF. Donc, je suis auto-entrepreneuse, j'ai une micro-entreprise. Et je tiens à préciser qu'il existe réellement donc, une case à cocher sur le site internet des auto-entrepreneurs. C'est le service des hôtesses, call girl, service des prostituées. C'est indiqué comme ça. Donc j'ai coché la case. Après, je suis allée voir mon banquier, j'ai ouvert un compte en banque en lui expliquant mon activité professionnelle. Bon, il n'a pas trop hésité. Hein. L'argent du sexe, c'est de l'argent quand même. Voilà. Donc ça, c'est légal. Après, pour ce qui est d'illégal, deux choses. Proxénétisme en premier lieu. Donc, je vous conseille tout de suite d'oublier l'image du méchant proxo hein, qui rackette ses filles, qui les balance sur le trottoir du boulevard de Suisse, puisque la loi française dit, texto, le proxénétisme est le fait, par quiconque et de quelque manière que ce soit, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui. Deuxièmement, de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution. Troisièmement, d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à la faire. Le proxénétisme est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Donc, à partir de là, même si le méchant proxo existe vraiment, la loi vise avant tout à isoler et exclure les personnes qui exercent la prostitution. En gros, tu as le droit d'être une pute, mais il t'est interdit d'avoir toute relation sociale avec autrui. Ou alors, tu les exposes à des poursuites judiciaires. Donc, ça concerne ta compagne, ton compagnon, tes enfants et même tes amis. Mais aussi, ce qu'il faut signifier, c'est que ça nous empêche aussi de nous solidariser entre nous et de nous entraider entre travailleurs du sexe et travailleurs du sexe. Parce que l'isolement qu'induit cette loi produit du danger pour nous. Donc, un exemple parmi tant d'autres. Ce que ça nous empêche, c'est par exemple de louer un appartement à plusieurs putes pour recevoir nos clients. Comme ça, tu n'es pas seul et tu peux aussi notamment échanger sur ton travail en cas de problème ou non. Donc, on aimerait bien monter nos bordels autogérés, mais ce n'est pas encore légal. Pour la question, donc ça c'est le proxénétisme. Pour la question du racolage, il y avait la fameuse loi de la sécurité intérieure mise en place par Sarkozy en 2003 qui vient d'être abrogée. C'était la loi sur le racolage passif. Donc, elle a été abrogée vraiment il y a quelques jours, il me semble. Et par contre, la loi sur le racolage reste en place. Donc là, j'ai le texte de loi de l'époque du racolage passif qui avait encore en place il y a quelques jours. Mais je pense qu'elle a encore vocation à être dit parce qu'elle parle clairement de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle vise essentiellement à la prostitution de rue. Donc je vais lire et puis je vais vous expliquer après. Donc, le racolage, le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, du coup ça n'existe plus, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération, une promesse de rémunération. Donc, c'est puni de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Donc, À partir de là, s'il y a la loi sur le proxénétisme, va chercher à exclure les putes de la société, et comme on n'est pas totalement sûr d'y arriver, on y accole le délit de racolage. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on nous invisibilise. En gros, voilà, c'est ce qui se passe clairement en ce moment à Lyon. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les infos, aux infos. C'est quand un maire veut nettoyer un quartier de sa ville des putes, les flics les embarquent pour racolage jusqu'à ce qu'elles dégagent plus loin. Toujours, toujours plus loin. Voilà. Donc, cette loi-là, il faut préciser surtout que ça a permis à Sarkozy, au moment où il était au pouvoir, de remplir tous ses charters, puisque la plupart des putes de rue sont sans papiers. Et donc, évidemment, au début, c'était promis, la promesse était de servir à démanteler les réseaux de proxénétisme, ce qui a très peu été fait. Et voilà, puisque. Et ils avaient dit aussi qu'ils protégeraient même les filles sans papiers, ça n'était absolument pas le cas. Donc voilà, et donc à l'heure actuelle, dans une ville socialiste, la ville de Lyon, deuxième ville de France, avec Gérard Collomb, et donc dans les adjoints, il y a Najat Vallaud-Belkacem, qui est notre cher ministre des Droits des Femmes, voilà, pour l'exemple parlant, où elles subissent une grosse, grosse répression, on pourra en parler après, donc il y a même des amendes qui sont mises en place contre les camionnettes des putes, donc ils les envoient à la fourrière parce qu'elles n'ont pas le droit de stationner, donc c'est plus de 135 euros d'amende à chaque fois qu'elles vont à la fourrière. Voilà, c'est pour ça que dans les revendications des travailleuses du sexe, il y a ce qu'on dit, c'est notre premier proxénète, c'est l'État, puisque c'est l'État qui prend l'argent des putes, voilà. Alors, après, dans la suite logique, on aborde la question du débat politique, mais qui en fait est très peu politique et qui est plus d'ordre moral. Puisque la pierre angulaire du débat, donc, se situe dans l'équation où prostitution égale violence faite aux femmes. Donc, toutes les travailleuses du sexe seraient des victimes, conscientes ou inconscientes, du système prostitutionnel. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours le discours qu'il faut nous sauver et stopper la prostitution. Parce que, est-ce qu'il faut encore le dire, se faire payer pour faire l'amour, c'est pas bien. La position donc officielle de la France, gauche et droite confondues, je dis bien officielle, est donc abolitionniste. Mais alors, là on rentre dans la subtilité de la langue de bois de la gauche bien pensante, il y a différentes manières de nous éradiquer. C'est vrai que la manière Sarko et compagnie, ils n'allaient pas par quatre chemins. Donc, on arrête et on enferme. Donc, dernièrement, au mois de mars, j'ai entendu Estrosi, le maire de Nice, nous expliquer par A plus B que mettre une pute en garde à vue, c'était pour son bien et pour la protéger. Voilà, maintenant, à l'heure actuelle, on est à l'heure du socialisme. Comme les putes sont des victimes, on va pas taper sur les putes, on va taper sur le client. Cette fameuse idée de loi sur la pénalisation des clients. Donc, le méchant, c'est le client. Alors, on nous explique que la logique imparable, c'est tu réduis la demande, du coup, l'offre disparaît. J'ai pas fait beaucoup de cours d'économie, mais je trouve ça assez peu réfléchi. Surtout qu'en fait, personne ne semble se dire encore que ce sera le même résultat que la loi sur le racolage. C'est-à-dire, à partir du moment où on interdit quelque chose, ben, il se déplace, il trouve d'autres moyens, il trouve des failles, etc. Donc, le résultat, c'est qu'on va encore plus se planquer pour exercer, et donc on sera encore plus en danger pour les agressions, etc. Donc, au final, dans ce débat purement politicien, on envisage très peu de demander à une travailleuse du sexe ce qu'elle en pense, ou alors, si on fait appel à elle, c'est seulement dans une logique de repenti. La prostitution, c'est mal, je regrette d'avoir fait ça, ça m'a traumatisée, etc. Mais si on réfléchit bien, en fait, de manière très... Enfin, pour moi, qui peut-être... Enfin, en tout cas, si tu veux aider une population qui est tout le temps stigmatisée et violentée, comment tu fais? Est-ce que tu fais des lois pour la mettre en danger ou lui taper dessus, etc. Ou plutôt, tu exiges des droits? Moi, il me semble logique d'exiger des droits. Donc, c'est ce qu'on réclame, en fait, hein, clairement, hein, des droits communs. Donc, on veut pouvoir exercer notre travail librement, comme n'importe quel travailleur et travailleuse. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de faire de la prostitution toujours quelque chose d'à part, de particulier. Finalement, on aimerait toujours, nous, parler de travail et de travail du sexe et non de prostitution, ou en tout cas comme une profession, un métier. Et ça, a priori, serait possible que si on se défait de l'idée trop répandue que du sexe contre l'argent... c'est une violence et c'est pas un travail, donc il faut se défaire de cette idée-là, voilà. Et à partir de là, bah, on aborde le fameux stigmate de la putain qui a été théorisé par Gail Peterson. Voilà, bon, je ne rentrerai pas dans un truc trop chiant, mais il y a des trucs très parlants. Donc, pourquoi on dérange ou pourquoi il y a tant de haine à notre égard. Donc, un des premiers arguments dans les discours abolitionnistes, c'est qu'une femme ne peut pas consentir à avoir des rapports sexuels sans désir. Donc là, il n'est même plus question d'argent. Hein. Ça concerne tous les nanas. Donc, et les garçons aussi, vous allez voir. Donc, on plonge dans un abîme d'un discours essentialiste, donc, ou tout simplement sexiste. C'est-à-dire que bah, t'es une meuf, donc pour jouir, bah, il faut que t'aimes le garçon avec qui tu couches. Et à l'inverse, le garçon, lui, il peut jouir, ou même il doit jouir. Il a des besoins irrépressibles. Donc, eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Et évidemment, si on adjoint l'échange tarifé, l'argent dans tout ça, ça devient, bah, la pute se force, elle est violée, et, parce qu'elle a besoin d'argent, hein, toujours. Et le client, c'est un monstre violeur. Donc, n'en déplaise à mes copines abolitionnistes, il m'arrive... Moi, de prendre mon pied avec mes clients, parfois, comme de regretter d'avoir amené un mec chez moi trop bourré, incapable de quoi que ce soit. Ceci étant dit, l'impératif de la jouissance est emmerdante pour tout le monde, rapport tarifé ou pas. Dernière chose. Donc, la pute serait dominée par son client, bien évidemment. Le système prostitutionnel, pour les abolitionnistes, c'est l'archétype du système patriarcal. Et en fait, moi, j'ai envie de dire que quand je passe un contrat avec mon client, il n'y a pas vraiment grand-chose de dominant si tout le monde le respecte, évidemment. Voilà, en gros, c'est pour tant de billets et tant de temps, je te propose ça. Tu marches ou tu ne marches pas. Autrement dit, ça, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'ai beaucoup aimé. Entre un homme qui paie une femme pour avoir des relations sexuelles avec elle, dont il respecte les désirs et les griefs, et un homme qui va jurer la lune et une vie de bonheur à une femme dont dans le seul but qu'elle consente à la sodomie, lequel est le plus gros con. Maintenant, voilà, donc... Clémy Wonder, c'est une jeune nana qui fait un blog sur Internet. Je peux donner toutes les références. Maintenant, donc, qu'on sait qu'une pute peut être consentante et pas forcément dominée ou violée quand elle fait l'amour avec son client, mais t'es qui, toi, pour venir me juger ce que je fais dans mon pieu? Et en quoi ça te regarde si je couche avec des mecs qui veulent me payer avec beaucoup de tendresse, pour beaucoup de tendresse et un peu de cul? Voilà, je suis une putain de féministe parce que mon corps m'appartient. Donc, voilà, c'est une courte intervention que j'avais un peu préparée. Après, j'ai fait volontairement court parce que je pense qu'il y a plein de questions et je ne peux pas tout aborder. Donc, j'ai aussi oublié des choses. Il y a des choses dont je ne parle pas parce que je ne peux pas parler à la place des autres. Donc, par exemple, la prostitution masculine, les trans, la question des trans et de la prostitution aussi. Après, je n'ai pas aussi voulu m'étaler, donc j'aurais pu parler de Grisidis, l'association, je ne sais pas s'il y a des gens de Grisidis ce soir, mais l'association sur Toulouse qui s'occupe très très bien et qui, avec des travailleurs du sexe et pour les travailleurs du sexe, travailleuses, de santé communautaire. Il y a aussi la question du STRAS, qui est le syndicat du travail sexuel, que je peux aborder aussi. Après, je n'ai pas abordé aussi les rapports conflictuels entre putes et féministes. Voilà, et puis j'ai pas abordé aussi la grande hypocrisie dans ce monde qui est que la plupart des politiques, s'ils sont prêts à prendre le micro pour dire qu'ils interdisent la prostitution, pour abolir la prostitution, y en a plein qui sont très libéraux, de gauche comme de droite, et à qui ça ne pose aucun problème de vendre son cul comme vendre autre chose. Voilà. Donc j'espère que vous avez des questions pour alimenter le débat. Voilà. Et il faut poser des questions débiles aussi, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, sur les poils, des trucs comme ça, enfin, des questions techniques. Maxime, donc curieux, je vais commencer par une question débile. C'est les tarifs, donc moi je me demandais en fait combien ça coûte. Est-ce que par exemple, il va y avoir un package, 4 options, la 5e est à 50%, les jours de pluie c'est moins 10%, tout ça quoi. C'est... Est-ce que pendant les vacances, pareil, moins 10% parce qu'il y a moins de gens, ce Oui, c'est... Je réponds... Non, c'est une question intéressante. Alors, en fait, évidemment, comme c'est... Comme tout... Comme c'est très flou, que c'est réglementé, mais pas vraiment et tout. Donc, évidemment, chaque fille met les tarifs qu'elle veut. Pour ma part, je sais que moi, je me suis mise sur les tarifs de mes copines, en fait, parce qu'elles m'ont expliqué, voilà, après, elles m'ont expliqué clairement que si je diminuais mes tarifs, j'allais atteindre une population qui était en plein dans la crise économique et que j'aurais pas de clients. Donc, comme c'est pas la crise pour tout le monde, il fallait cibler des gens qui... voilà. Donc, c'est des tarifs élevés, effectivement. Donc, voilà, moi, je me cache pas, c'est 1 heure 250 euros, 2 heures 400, 3 heures 500. En fait, c'est le prix, ça et fait après, au temps et pas forcément à la pratique. Donc après, il y a beaucoup de... ça que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui, à partir de là, essayent de négocier. C'est pour ça qu'il faut être ferme au téléphone et sur ses tarifs. Et qui négocient aussi pour des pratiques que toi, tu n'acceptes pas. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont te essayer de te convaincre en te donnant plus d'argent pour faire des fellations nature, donc des fellations sans préservatif, ou du sexe, enfin des rapports sans préservatif, clairement, en te disant bah, « je te rajoute un billet de 100 euros, tu le fais » et tout machin. Donc, à partir de là, tu lui expliques que clairement, ben non, tu fais pas ça parce que pour telle et telle raison, qu'il devrait le savoir et que c'est pas conseillé non plus pour lui. Donc, mais on a vraiment des cas voilà, où ils se disent médecins et qu'ils savent qu'ils risquent rien, où il y en a d'autres qui te disent, mais moi je te montre mes tests, ils datent de une semaine et tout, vraiment, etc. Donc, à ce niveau-là, ils négocient les tarifs. Après, on sait très bien que les tarifs aussi des putes de rue ne sont pas les mêmes que. Les escortes, et après le tarif des escortes est très variable. Voilà, parce que sur internet tu trouves de tout. Il y en a pour tous les goûts, ouais, et pour tous les portefeuilles, tous les bourses. Voilà, c'est ça. Et après, enfin, niveau tarif, ce qui est le plus emmerdant, c'est quand ils essayent de négocier pour te faire, voilà, pour t'amener à quelque chose que toi tu ne veux pas faire. Voilà. C'est pour ça, là, il faut être. Carré. Moi j'ai une question d'ordre personnel en fait. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette voie, mais surtout dans le sens où, parce que toi-même tu vis dans cette société et quand tu étais plus jeune, tu as été touchée par ces stéréotypes autour de la prostitution. Et j'aimerais savoir quelle a été l'évolution de ton regard vis-à-vis de ça au moment où tu es rentrée dans ce domaine en fait. Mmh. Alors je savais qu'on allait me poser cette question là. Je m'étais promis de répondre première chose. On ne demande pas à tout le monde de se justifier de son travail, de savoir pourquoi tu fais ça, et toi pourquoi tu vas à l'usine tous les jours, et toi pourquoi tu vas faire ça tous les jours, tu vois. Mais par contre, à la pute, on lui demande de justifier pourquoi elle fait ça, quoi, et pourquoi pas. Donc je me dois de le dire, après je comprends la question et je vois où tu veux aussi le parcours et tout, parce que c'est toujours intéressant, n'empêche quoi. La question est toujours intéressante. Moi, c'est au niveau des stéréotypes qui m'intéressent. Oui. Mais voilà. Après mon parcours personnel. voilà, après ça dépend. En tout cas, moi j'ai été féministe depuis très longtemps. Et puis longtemps, je me suis toujours sentie. Puis j'ai toujours voulu être un peu libre. Donc moi, le féminisme, c'est ce qui m'a permis d'être libre. Et le travail d'escorte, c'est ce qui me permet d'être encore plus libre. C'est-à-dire que c'est le seul travail que j'ai trouvé qui me permet de pas travailler beaucoup, parce que j'aime pas le travail. D'être bien payée dans cette société qui n'accorde pas beaucoup ça. Voilà, et de pouvoir avoir beaucoup de temps libre pour faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'a amené à faire ce travail-là. Après, si on parle clairement d'avoir des relations sexuelles tarifées, moi, ça regarde. Voilà, c'est une question. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est une question de mentalité aussi, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien que, enfin même j'imagine les féministes en général, j'aimerais bien qu'on ait une sexualité plus libre, c'est-à-dire qu'on nous a fait miroiter ça, voilà, donc pour moi c'est d'être super libre de faire ça, voilà, je sais pas si c'est très... Ouais. Oui, moi ce qui m'intéressait en fait c'était à Ken, parce que ton regard il a dû changer en fait. Sur la prostitution à un moment donné, qu'est-ce qui a été l'élément? Non, mais je crois que j'ai jamais considéré les putes comme des putes. Non, mais ce que je veux dire. Tu vois que ça m'intéresse en fait. Oui, non, mais je comprends, mais c'est-à-dire que moi, je sais pas, depuis, c'est un peu compliqué, je vais pas faire ma psychanalyse ce soir, tu vois, mais j'ai jamais. Je sais pas, j'ai toujours. Ça m'a jamais plu de taper sur les autres, ce genre de choses, quoi. Je sais pas trop. Après, on a chacun notre parcours, effectivement. Mais... Ouais, tu parlais tout à l'heure du stress, alors bon, j'aurais peut-être dû me documenter, mais... Non, pas bien. Bon, Tu, je sais pas si t'en fais partie. Oui. Ouais. Mais alors, je sais pas, c'est quoi les objectifs, ouais, sur quel principe ça s'organise, qu'est-ce que ça porte comme, comme projet, Alors, en fait, le STRAS, moi, je connaissais avant d'être TDS, avant d'être travailleuse du sexe, et par mon militantisme, etc. La première chose que j'ai fait en étant travailleuse du sexe, c'est que je me suis syndiquée au STRAS parce que j'avais besoin de rencontrer des filles qui faisaient la même chose que moi. Donc, dans ces cas-là, c'est comme c'est un syndicat, donc tu vas rencontrer des collègues ou quoi. Donc par ce biais-là, j'ai rencontré une fille qui est devenue une amie. Et donc avant de vraiment de rentrer dans le détail du stage, je tiens à préciser que la première chose auquel j'ai eu accès, donc c'était rencontrer une collègue qui te donne plein d'infos, un peu comme fait Grizzly Ladies aussi à Toulouse, c'est-à-dire fais pas ça, fais ci, fais pas ça, fais attention à ça, là, là, là, là, là, qui te donne 1000 conseils. Qui sont très importants quand tu rentres dans ce milieu, puisque c'est un milieu où il faut beaucoup plus te protéger que dans un autre. Quand tu vas sur le site du STRAS, parce qu'évidemment, la première, j'ai adhéré par Internet, c'est que tu as 1000 documents. Tu as des documents, tu as des fiches sécurité sociale, des fiches comment se déclarer. C'est un peu le mode d'un pas pour devenir une pute, mais c'est quand même vachement pratique, quoi. Parce que au moins ça te rassure, parce que tu peux faire ça bien. Et puis il y a aussi toutes tes fiches, les fiches pour qu'est-ce que tu fais si tu arrives en garde à vue, qu'est-ce que tu quand tu es face à la police, quels sont tes droits, etc. Donc c'est vraiment la base du rôle d'un syndicat, je pense. Et c'est ça m'a vachement rassurée. Mais clairement, j'ai eu ça sans avoir sans être vraiment militante au sein du STRAS. Donc, c'est la première chose que je tiens à dire que font toutes les associations de santé communautaire comme Kabiria à Long ou Grizzly Ladies à Toulouse, et que fait le STRAS aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur ce genre d'organisation. Mais avant tout, ce qui permet la solidarité entre putes, entre travailleurs et travailleuses du sexe. Donc c'est hyper important. C'est un moyen de nous protéger, de s'associer et de venir en aide. Donc évidemment, tu n'as pas du tout besoin d'adhérer au STRAS pour que le STRAS vienne t'aider. Tu as une aide juridique, tu as tout ça. Donc c'est très, très important. C'est rigolo que la réunion ait lieu ce soir, parce qu'en fait, ce week-end, il y a les rencontres nationales des travailleurs et travailleuses du sexe à Paris qui sont organisées par le STRAS, où je me rends. Et c'est la première fois, en fait, concrètement, que je vais rencontrer tous ces gens-là. Parce que sinon, je n'ai eu que des contacts via l'Internet, quoi. En gros, j'ai même personne au téléphone. Parce qu'il n'y a pas de... On n'a pas de locaux à Toulouse. On est peu nombreuses, mais on est organisées. Et c'est le début, quoi. C'est clairement le début. Donc c'est chouette. Mais d'un point de vue politique, en fait... Et après, d'un point de vue politique, le STRAS demande, en fait... Donc je ne suis pas hyper calée à ce niveau-là, hein. Mais c'est demande tout simplement des droits pour les travailleuses du sexe, de droits communs, c'est-à-dire avoir accès à ce que n'importe quel travailleur a le droit en France, sécurité sociale, chômage, retraite, santé, hyper important, santé, voilà, et de ne pas être traité, donc encore une fois, à part, et d'avoir le droit commun. Encore une fois, c'est dans une logique. C'est-à-dire que même si on considère que la majorité des putes est exploitée, hein, comme on dit partout, tu ne tapes pas sur une population si tu veux l'aider. Tu lui donnes des droits. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on donne des droits communs. Des papiers. On revendique beaucoup les papiers pour les filles de rue. Voilà, aussi, pardon. Excusez-moi. Voilà. Ouais. J'ai une question que j'aimerais, qu'elle ne s'est pas comprise, comme une question qu'on poserait spécifiquement à une personne qui fait ton métier, parce que c'est une question que je poserai à d'autres. C'est-à-dire, un des gros problèmes dans le boulot, notamment les raisons qu'on peut avoir de ne pas vouloir travailler, enfin moi, disons que c'est une des raisons que je voudrais ne pas avoir travaillé, c'est que généralement, un travail s'associe souvent à un milieu, et ce milieu s'enferme, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont particulièrement désocialisants. Des gens qui, du coup, du fait de leur condition de travail, se retrouvent soit côté toujours des mêmes gens, soit être particulièrement isolés chez eux, etc. Je me dis que, chez vous en plus, je me demande si, et du coup, c'est pas forcément une question personnelle, une question plutôt d'analyse globale de ta profession. Est-ce que la nature spécifique du boulot que tu fais a tendance plutôt à, comment dire, à faire que, en gros, vous êtes globalement qu'entre vous, et du coup, à renforcer, j'imagine, le sentiment d'insécurité qu'il y a à l'être, en gros, de n'avoir comme point d'appui, si jamais c'est le cas, si votre réseau est réduit, bah que ce réseau-là. Ou est-ce que, au contraire, vous rencontrez assez peu de difficultés à socialiser au-delà de votre milieu professionnel, autant dans des relations de simple amicalité que dans des relations plus intimes, d'amour, etc. Voilà. Elle est vaste ta question, mais mais après ouais, effectivement, après ça dépend aussi de d'où tu viens, comment tu, il y a plus de difficultés en fonction, en fait ça dépend, voilà, c'est un peu bête comme réponse, après je prendrai de manière plus personnelle, mais c'est un peu bête comme réponse, c'est à dire que ben il y a autant de parcours de pute qu'il y a de réalités différentes, donc c'est vrai que ben moi je considère que je suis privilégiée parce que je viens d'un milieu je suis dans un milieu assez ouvert politiquement, où mes amis ont accepté assez facilement ce que je faisais, enfin ils m'ont même pas trop posé de questions, voilà, ils m'ont dit ouais c'est cool. Voilà, mais après ils se sont inquiétés aussi pour moi, ils ont toujours été là au niveau si j'avais besoin. Par contre, je l'envoie à une. Donc, c'est par le biais du Stras donc, que j'ai pu rencontrer une première pute, puis après, il faut rencontrer une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, troisième. Voilà. Et donc là, effectivement, mais j'ai mes copines, elles sont pas tout le temps sur Toulouse. C'est pas, évidemment, quand on se voit, c'est pas mal. Hein, c'est sympa, des soirées entre putes. Mais. Quoi ? Soirée pyjama ? Non. Plutôt champagne, mais voilà. donc effectivement, c'est pas du tout la réalité n'est pas la même quand. Enfin, je peux pas parler à la place des autres, encore une fois. Donc. Ma question, par exemple, tu vois pas de tendance particulière, puisque comme tu dis que tu es en lien avec un syndicat, j'imagine que le travail d'un syndicat, c'est aussi de comprendre les grandes tendances qu'il y a dans le métier sur lequel ils se proposent de les gens qui travaillent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à la fois présent dans ton boulot et dans ce syndicat, ou pas? C'est pour ça que... Après, c'est un peu compliqué. Si tu veux, moi, j'ai jamais... Grisilis fait un travail, par exemple, sur les putes de rue beaucoup plus... très concret. Moi, je n'ai jamais rencontré une pute de rue de ma vie. Tu vois, voilà, enfin, je ne sais pas. Si, j'en ai... Si, faux. Si, j'en ai rencontré. Mais je pense que l'univers de la prostitution de rue n'est pas la même que l'univers de l'escorte. Et encore une fois, dans l'escorte, il y a différents types d'escorte. Je connais une nana qui fait vraiment de l'escorting de luxe. Elle n'a rien à voir avec moi, mais vraiment rien à voir, quoi. Moi, mes copines, on est copines parce que avant tout, on se rejoint sur, comme toi avec tes potes, quoi, en fait. On est, voilà, effectivement, on se rejoint parce qu'on fait le même travail, donc on peut en parler librement et ça, c'est important. Mais en dehors de ça, après, si, un point de vue personnel, donc, moi, j'ai des copines qui sont mariées, qui ont des enfants, qui sont escortes, qui ont une vie personnelle tout à fait épanouie, qui ont des activités. Voilà, qui font autre chose, etc. Au niveau familial, c'est toujours plus compliqué parce que je pense que dans la société dans laquelle on vit, tu dis pas facilement à ta mère, à ton père, voilà, je suis pute. C'est assez simple à comprendre, je pense. Et après, voilà, je sais pas si j'ai répondu. Non, mais après, on peut revenir. Je pourrais rebondir déjà sur l'histoire de la thérapeutique. C'est sur, notamment sur les personnes handicapées. Mmh. Hein, ah, et oui. Donc là, il y a tout un travail qui est fait, puisque les institutions, que ce soit psychiatriques, hospitalières, etc., qui enferment, soi-disant, qui s'occupent de ces gens, leur interdisent normalement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un film célèbre, mais depuis, il y a des revendications hein, de soins, justement, thérapeutiques, sexuels, vis-à-vis de personnes. Alors, quand on dit handicapé, c'est handicapé très, très lourd. Et des femmes ou des hommes qui ne peuvent pas elles-mêmes, par elles-mêmes, soit jouir de leur corps ou du corps de la personne d'à côté. Donc il faut quelqu'un qui intercède. Et là, il y a une démarche qui existe hein, là-dessus pour revendiquer ce droit. Donc ça revient là-dessus. Moi, je voulais revenir sur... Juste pour dire, c'est légal en Suisse, hein, ça existe oui, en Suisse. Oui, hein, oui, donc l'assistance sexuelle, il y a... Belgique aussi, ouais, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Et ça a été refusé deux en fois. En France Ils n'ont pas voulu faire le débat dessus. Hein. En France, c'est l'Assemblée. Non, oui, ça a été refusé. Oui, oui, je sais. Pas du tout. Et même un débat en Pardon. Mais ça montre, ça va revenir justement à la suite, ce que je voulais intervenir sur les stéréotypes, c'est qu'on est vraiment dans une société catholique, patriarcale, c'est clair, et que c'est une histoire de morale. Hein. On ne veut pas entendre la douleur des autres parce que ça atteint la morale. Et je voulais revenir, tu as démarré sur les stéréotypes hein, des femmes. En fait, oui, je voulais revenir sur cette assignation. On est vierge ou on est putain ou on est maman, parce qu'il y a les trois maintenant, voilà. Et on est obligé de choisir, hein, les femmes. Et est-ce que tu as un peu travaillé cette histoire-là? C'est qu'en fait, j'ai l'impression quand même que la putain n'a pas toujours eu ce rôle tabou et d'opprobre dans la société, ou même dans d'autres sociétés d'ailleurs. Et que aussi revenir sur une espèce de morale catholique un peu patriarcale qui rejette les prostituées, alors qu'on sait qu'elles ont toujours existé, que ce soit dans l'histoire, dans le temps, ou dans la géographie ou ailleurs, dans d'autres sociétés, c'est absolument pas tabou, c'est un rôle comme un autre, et que ce soit un homme, une femme. Voilà, donc je sais pas si tu avais un peu travaillé ça. Ou... Non. Ah, c'est important parce qu'aujourd'hui, on parle souvent de la morale, mais comme si c'était quelque chose d'évident. Ouais. C'est évident que la prostitution, c'est mal. C'est évident que... Et c'est pas du tout. Absolument pas. Ça l'est pas aujourd'hui dans d'autres sociétés. Ça l'était pas il y a quelques années dans l'histoire, etc. Si on se renseigne de ça. Quoi. Oui, c'était alors... même sacré à une époque. Hein. C'était un rôle sacré. Bien que les mecs, j'en prenais quand même. Je réponds. Tu veux répondre? Juste rebondir, oui. Je crois d'ailleurs qu'historiquement le terme abolitionniste voulait dire à la base le fait d'être contre le fait de réglementer le travail du sexe dans le sens où abolitionniste, en fait, retirer les réglementations qui gênent le travail du sexe. En fait, la position abolitionniste, mais évidemment, c'est un terme qui en fait ne correspond très. Mais l'abolitionniste en France, il va y avoir par exemple Clémentine Autain, qui est abolitionniste. C'est une des rares figures médiatiques qui dit clairement qu'elle est abolitionniste, mais elle ne veut aucune loi sur la prostitution, mais vraiment zéro loi. Parce qu'elle considère que non, elle est abolitionniste, mais elle dit que l'abolition, c'est une utopie. Parce qu'elle dit oui, elle est contre le travail du sexe, mais elle dit pour elle c'est une utopie, mais on peut y arriver par d'autres moyens, mais surtout pas réglementé. Donc c'est vrai que la position actuelle du Parti Socialiste, même du Front de Gauche, qui dit on veut faire une loi contre la pénalisation, enfin pour la pénalisation du client, clairement il faudrait utiliser le mot de réglementariste ou voire de prohibitionniste, puisqu'ils veulent éradiquer quoi, la prostitution. Donc effectivement, c'est juste de répondre à ça. C'est juste de répondre à ça. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est un exemple très parlant, c'est-à-dire que en fait, le seul autre débat que j'ai fait quand j'étais encore en hôtesse dans un bar et que j'étais avec deux autres, une travailleuse du sexe et un travailleur du sexe, on a été invités en fait, à faire un débat à l'école de commerce de Toulouse. On avait à peu près 250 étudiants devant nous et il n'y a pas eu un seul débat, c'est-à-dire que ça ne leur pose aucun problème. Payer au commerce de cul ou de fesses ou de sein. C'est des gens très libéraux. Et clairement. C'est-à-dire que moralement, ça ne leur pose pas de problème. Et à l'heure actuelle, au niveau politique, c'est vraiment un retour à l'ordre moral. C'est ce qu'on laisse entendre et ce qu'on voit. Mais dans la pratique, ben, voilà, on parlait de DSK tout à l'heure. Enfin, on sait très bien qu'il y a. Ça a été dit et redit dans tous les bouquins universitaires, sociaux ou de recherche sur la prostitution, que ceux qui font les lois sont les premiers clients, quoi. Enfin, voilà, il faut le dire. C'est un des slogans des putes quand on manifeste aussi, c'est tu votes contre nous, mais tu couches avec nous. Fait, voilà. Mm-hmm. Donc, Moi, je pense que j'interviens bon, en tant que personne anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire que je suis adhérent à la syndicalité. Et depuis longtemps, bon, on soutient des travailleurs quoi, de toutes catégories. Et ce qu'on souhaite à partir de l'auto-organisation des travailleurs, c'est d'abord qu'ils se libèrent de leur exploitation et ensuite qu'ils puissent élaborer un autre projet de société. C'est-à-dire qu'on parle d'abolition. Moi, en tant qu'anarcho-syndicaliste, je suis pour l'abolition du salariat. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas être abolitionniste à moitié. C'est-à-dire que si on abolit la prostitution, si on parle de ça, alors il faut parler d'abolir tous les tabous. Que ce soit l'argent, l'exploitation par l'argent, que ce soit la répression de la sexualité, hein, comme on l'a dit le copain tout à l'heure. Hein, effectivement, je ne peux que saluer le fait que vous, les travailleurs du sexe, vous associez pour vous défendre des gens au départ. C'est-à-dire, c'est le travail que fait apparemment, ce que tu as dit, le Stras. Ça, c'est tout à fait saluable. Je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas soutenir de telles initiatives. Moi, après, je serais critique si demain, il y avait quelqu'un du Stras qui ne travaillerait plus en tant que travailleur du sexe, mais qui aurait sa place en tant que député et qui viendrait nous faire des beaux discours. Voilà moi, ma position personnelle sur ce que j'entends. Donc moi, je ne peux que saluer le fait que des gens sur leur lieu de travail s'associent pour défendre, pour se défendre. Et après, ce qu'il faut, c'est essayer de ce qu'on fait nous, quand on défend, mettons là, on a les salariés du popcorn, qui sont aussi des copines d'ailleurs, qui sont surexploités. Et bien, ce qu'on fait nous, c'est essayer d'amener aussi une autre vision d'une autre société. Parce qu'on n'a pas envie non plus uniquement d'aménager les conditions de notre exploitation. Voilà. Donc, moi, j'ai entendu les choses très bien, et je voudrais souligner que ce qui manque, et ça a été un peu abordé avec le problème de la thérapie, etc., et tout, c'est il faut parler aussi d'entraide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'on a aboli les conditions de l'exploitation, et par l'argent, parce que le cadre de l'argent, quand même, quelque part, c'est un cadre qui fait perdurer un système où les gens sont obligés de travailler, quand même. Même si vous travaillez peu et comme vous voulez, que vous soyez salarié de l'agriculture ou travailleur du sexe, vous êtes obligé de travailler pour gagner votre vie. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Dans la vie, on doit être obligé. On doit se sentir obligé de faire des choses pour rendre service à son prochain. Voilà. Bon, mais ça, effectivement, c'est une utopie. Là, je parle de l'utopie. Mais c'est évident qu'au départ, pour arriver à cette utopie, il faut s'auto-organiser. Et moi, je ne peux que saluer, donc je le répète, ton intervention, et je suis très content quand j'entends que quelque part, des travailleurs s'auto-organisent pour se défendre. Et ça, c'est le principal. Et après, eh bien, nous, en tant qu'anarchistes, en tant que militants libertaires, ce qu'on veut dire, c'est maintenant, une fois que c'est organisé, réfléchissons à d'autres conditions de vie pour tout le monde. Voilà. C'est ce que je voulais souligner ce soir. Pour rebondir en fait, sur la question de la position historique de la prostituée, juste pour faire un point là-dessus, enfin, ce que je veux dire, c'est Jean Bataille, en fait, qui le dit. En fait, pour Bataille, il a beaucoup réfléchi sur l'érotisme, la transgression, etc. Et effectivement, il souligne qu'avant, les prostituées, notamment dans la période grecque, étaient des prostituées sacrées. C'est-à-dire qu'en fait, les clients allaient faire l'amour avec la prostituée pour être en contact avec la divinité. Et qu'en fait, il y avait, avant le christianisme, même en Inde, il y avait toujours un aspect... il y avait toujours un dieu négatif au dieu positif. Il y avait toujours le contraire, mais les deux divinités étaient vénérées de façon égale. Et donc il y avait un sacré qui était positif et il y avait un sacré qui était négatif. Bataille, il appelle ça le sacré noir. Et en fait, la prostitution était la possibilité d'atteindre une dimension sacrée qui était autre. Et en fait, avec l'arrivée du christianisme, il y a le bien et le mal. Et dans le mal, on ne peut trouver aucun salut, on ne peut arriver à aucune sacralité. Et en fait, ce que Bataille montre, c'est qu'au Moyen-Âge, lorsque il essaye de comprendre pourquoi, au même moment, l'Église va combattre la sorcière et va laisser perdurer la prostituée. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que la sorcière, avec les pratiques du sabbat, d'orgie, sont en fait une façon d'atteindre le sacré gratuitement pour le coup, mais le sacré négatif, sacré noir, qui est absolument impossible dans le christianisme, il n'y a que la déchéance, que le Satan, la chute de Satan. Et au contraire, donc ils vont détruire les prostituées, les sorcières qui permettent d'atteindre une sacralité autrement, par le sexe. Et au contraire, ils vont laisser la prostitution, ça c'est ce que Bataille, c'est la théorie de Bataille, comme exemple de déchéance. Et il faut qu'il y ait des prostituées, même si on les combat, même si on les dénonce, pour montrer à la population ce qu'il ne faut pas, ce vers quoi on peut aller, enfin, la déchéance totale, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la société, c'est ce qui est repris, je crois, dans la façon dont les prostituées, enfin, les travailleurs du sexe, sont traités. Avec cette exposition le long du canal, il y a une sorte de vitrine que la société met en avant, ne considérant pas les travailleurs du sexe comme les considérant comme un état de déchéance. C'était juste pour revenir là-dessus, sur la position historique. Et ça interroge, mais je crois que ça interroge quand même, qu'est-ce que c'est le sexe? Qu'est-ce qu'on atteint par la sexualité? Et le problème enfin moi ce qui m'interroge, c'est le fait de marchandiser cet acte qui est quelque chose de très transgressif, de profondément transgressif dans la société dans laquelle on vit. Ce que montre, je finirai là-dessus, dans la Bataille, en fait, s'appuie sur le rapport Kinsey, qui est un rapport américain qui a beaucoup enquêté sur la sexualité. Et en fait, ce que Kinsey découvre, c'est que ceux qui font le plus l'amour, ce sont les mafieux et ce sont les gens, les oisifs. Et que la sexualité, c'est quelque chose d'éminemment non productif, ce qui n'est absolument pas entendable dans la société capitaliste dans laquelle on est. La société capitaliste dans laquelle on est, c'est une société de production. C'est pour ça que la femme, on doit lui faire l'amour pour avoir un enfant. On ne peut pas faire l'amour si ça ne produit rien. Et ce que je trouve, enfin moi, ce qui m'interroge dans la prostitution, c'est que ben, ça produit quelque chose, ça produit de l'argent pour quelqu'un. Et donc, dans quelle mesure on ne perd pas avec la prostitution, quand même, le sens profond de l'acte sexuel? J'aurais dû prendre des notes peut-être, mais après j'ai différentes idées. Après il y a Paola Tabet, alors elle n'est pas philosophe, elle est ethnologue et sociologue, elle parle d'échanges économico-sexuels, mais sans parler de prostitution en fait, tu vois. Elle te dit que ben, ça concerne tout le monde, c'est pas une question de prostitution ou pas, mais finalement, bon, et après, si on veut prendre plus français et plus récent, enfin, ou même pas plus récent, mais plus concret, on peut prendre Christine Delphi qui a comparé le mariage hétérosexuel avec le matérialisme historique de Marx et qui dit que, ben, en fait, c'est la même chose que le contrat que l'ouvrier signe avec son patron, sauf que c'est la femme qui le signe avec son mari et qu'elle est, tu vois, donc. Toi, peut-être tu penses que la prostitution, c'est que là où il y a de l'argent, mais moi je te réponds, en fait, l'argent, il est partout, même toi et ta femme, et dans la plupart, même toi et ta copine ou ton copain, ou même si t'es homo ou machin, l'argent, il est un peu partout. Quand je vais au bar et que je me fais draguer, qu'on me paye deux verres de suite, c'est quoi ça? Tu vois? Donc. Après, voilà. Et après, il y a juste aussi, on avait beaucoup rigolé avec une copine qui est présente, où j'ai ouvert des bouquins de Rouen Ogien, qui est philosophe. Voilà, lui, il est pro-prostitution. Et il met, juste avant de commencer ce bouquin, il dit, en fait, qu'il y a des gens, dommage, je ne l'ai pas amené, mais qu'il y a eu une grande enquête sociologique où on a interrogé plein de gens, de savoir, leur demande. La question, c'était pourquoi vous faites de l'amour. Et en gros, sur 2000 questionnés, bah, il y avait parce que je voulais me sentir proche de Dieu et parce que j'étais saoule. Enfin, tu vois, donc je pense que vraiment, concrètement, il faut. Moi, je veux bien avoir des discours philosophiques sur la sexualité, mais à l'heure actuelle, il faut vivre dans notre monde. Enfin, c'est moi, c'est qui me semble le plus important pour nous en tant que travailleuses du sexe et lutte. Après, moi aussi, j'écoute les émissions de France Culture sur la prostitution et la philosophie. Je ne sais pas du tout si... c'est une question comme ça. C'est plus sur la personne qui va consommer, entre guillemets, le service que tu proposes. En fait, le client, quoi. Et donc, ouais, c'est un peu particulier par le consommateur, en fait. Mais le client, en fait, ou la cliente, ou ça. En gros, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des réseaux qui se sont constitués de clients, en fait, justement, parce que peut-être que ça serait un moyen... pour justement dédiaboliser un petit peu la prostitution ou même enlever cette vision abolitionniste, en fait, justement, que le client prenne la parole et revendique son droit de consommer cette forme de service, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Non, mais c'est une question intéressante sur le client. Et puis en plus, ça me fait penser à d'autres choses. En termes de réseau, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est plutôt nous, les travailleuses du sexe qui font les réseaux de clients, c'est-à-dire que quand on a un petit comité, je peux me permettre de le dire, mais on a, par exemple, sur Toulouse, on a à peu près une liste de 300 numéros blacklistés de clients à éviter. Donc c'est nous qui nous mettons en réseau nous-mêmes pour nous protéger avant toute chose, parce qu'encore on est, encore une fois, c'est nous qui prenons le plus de risques, c'est nous, la population, qui sommes un peu quand même... en danger. Donc du coup, effectivement, à chaque fois avec mes copines, j'échange le numéro, et celui-là, t'en penses quoi? Parce que je le sens pas et tout. Elle me dit, non, mais surtout, n'y va pas, lapin, lapin. Donc voilà, alors, t'as les clients qui te mettent des lapins, donc ça, à la limite, c'est pas trop dangereux. Mais t'as ceux qui font du... Je répondrai après à ta question, mais c'est en lien, c'est le client. Alors voilà, par exemple, un des trucs à pas faire, c'est surtout vérifier qu'il n'y a pas d'ordinateur ouvert quelque part avec une webcam, parce qu'il y a risque de films, donc il faut fermer les ordinateurs, les machins, les trucs, etc. Parce que après ils te filment, ils font du chantage, et matin, ils essayent de traqueter. Après, bah t'as les violents, ceux qui ont des flingues, etc. Les drogués violents, je précise, à risque. Enfin, parce que c'est vraiment des choses qui existent, hein, concrètement. Je parle pas des drogués en général. Voilà. Et donc nous, justement, à ce niveau-là, on se met en réseau pour ça. Et du coup, on a un répertoire assez énorme de gens invités. Après, et justement, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'inverse, on a les mêmes clients. C'est-à-dire qu'il y a nos habitués. Voilà. Donc ça, et certains se connaissent entre eux, évidemment. Voilà. Et puis quand je travaillais en bar, c'est des petits milieux d'habitués qui se connaissent et qui circulent. Et après, encore une fois, ouais, les clients, moi je les invite à prendre la parole, hein, mais je pense que de toute manière, il y en a plein. En fait, enfin, ça peut être ton père, ton voisin. Il y a le client qui peut aller une fois dans toute sa vie, mais finalement, c'est quand même un client de la prostitution. Et il y en a qui peuvent y aller trois fois par semaine. Mais on les entend peu, mais c'est à eux de s'organiser, en gros, quoi, tu vois. Enfin, s'ils ont envie de dire quelque chose, ils n'ont qu'à s'organiser. Mais c'est tellement mal vu qu'ils ne vont pas prendre ce risque. Et puis, ils ont tous des vies. Enfin, la plupart sont mariés ou pas. Ils ont des gosses. Ils ont un travail et tout. Déjà, pour nous, c'est difficile de prendre la parole publiquement. Ma copine qui est escorte, qui a un rôle assez important au Stras sur Toulouse, elle s'est fait vraiment menacer. Donc voilà, après tu te balades dans la rue, tu prends des risques. Donc les clients, c'est très rare qu'ils prennent la parole. Mais après, il y en a. Dans nos réseaux à nous, sur Internet, il y en a. Parce qu'au Stras, tu peux adhérer en tant que sympathisant. Donc en tant que client, en tant que sympathisant de lutte, tu peux adhérer si tu veux, quoi. Que ce soit homme, femme ou quoi que ce soit, client ou pas client, mais tu peux. Donc ils peuvent être en lien, ils peuvent s'organiser s'ils veulent. Mais c'est à eux de le faire, encore une fois, quoi. Nous, on a assez à s'occuper de nous, quoi. Voilà. Et voilà, je crois que c'est... Sur le formulaire du Stras, il y a deux cases. Il y a la case TDS et la case... Ouais, adhérent. Moi, c'était pour revenir, parce que quand j'avais fait la question historique, j'avoue que je ne rentrais pas du tout dans l'analyse de bataille et pour mythifier, pas du tout, hein, parce qu'en effet, les états-ires sacrés, etc., c'était quand même d'abord les hommes qui en profitaient. Et puis surtout, l'histoire du sabbat, par exemple. Alors ça, c'est un fantasme des curés frustrés, hein. Mais il faudrait regarder s'il y a vraiment eu des soirées super. C'était complètement faux. Et ça a été dit, hein, que les sorcières étaient des femmes tout à fait ordinaires qu'on a fait avouer par la torture et qu'on a avoué tout ce qu'on a voulu. Mais là, il faudrait plutôt aller regarder ce qu'il y avait dans le crâne des prêtres plutôt que ce qu'elles pouvaient faire. Et donc, moi, c'était pas ça, hein. C'était pour dire qu'il y avait une autre chose. Quand tu dis, par exemple, mal vu, on dit encore ça, hein, prostitution mal vue, ça dépend où. Et qui... J'en aimais bien ça. Parce que quand tu disais au niveau scrofane, attention, dans la haute, il n'y a pas de problème. Hein, c'est gelé, hein, et puis on peut le dire, et puis la bourgeoise le sait, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, comme toujours, hein, les lois et la morale, c'est pour maintenir le peuple. Et puis nous, en haut, on s'en affranchit largement. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et aussi, quand quelqu'un disait... on montre au boulevard. En fait, on montre ce qu'on doit cacher. Ben ça, c'est vraiment la société schizophrène complète là-dessus. Hein. C'est qu'en effet, moi, je ne crois pas qu'il y ait une valeur éducative en nous disant attention, c'est mal. Mais c'est complètement cette société qui ne sait pas trop justement où elle va quelque part par rapport au sexe. Mais moi, je pense par rapport à plein d'autres choses. Et puis après, j'avais une autre idée, c'est que le statut de travail, etc. Moi, je pour toute personne qui a bossé, un boulot, 5 ans, 10 ans, c'est bon. Au bout d'un moment, on en a marre. Et donc, moi, je trouve qu'on ne peut pas être un statut de travailleuse du sexe, d'infirmière ou d'institutrice ou je ne sais pas quoi, à vie. Hein? Et que normalement, on a toutes et tous des compétences différentes et que pourquoi pas, par moment dans notre vie, à un moment donné, on peut se prostituer, à un moment donné, on peut faire l'école, à un moment donné, on peut faire l'artiste, etc. Et je trouve que à la fois l'abolition du salariat, mais aussi cette idée de profession, de carrière à vie, etc. Surtout qu'en plus, par contre, alors là, ça va très bien avec le capitalisme, ils nous disent qu'on doit être complètement mobile et qu'on doit changer de métier. Mais je crois que ça aussi, en effet, reconnaître quelque part que on peut se faire payer et donc avoir le travail du sexe, mais quant à reconnaître l'identité comme travailleuse et comme carrière, bah non, il faut le gommer autant que tout le reste, parce que tous les boulots, au bout d'un moment, nous font chier et on devient mauvais en plus. Hein, au bout d'un certain temps, on n'est pas bon, quoi, mais c'est parce que c'est possible, donc. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi ça, turnover professionnel. Mais je... Bon, moi, je peux poser une question en fait, sur les clients habitués, justement. Par exemple, une assistante maternelle, quand elle veut partir en vacances, elle a les gamins, elle les refile via un réseau à une autre assistante maternelle. Parce que, admettons, vous avez le client du mercredi 22h, vous avez envie de partir en vacances et vous dites, bah, je ne suis pas là, mais... Par exemple, je te conseille de t'adresser à une telle parce que elle sera là et voilà. Est-ce que ça se fait ? Oui, oui, ça se fait parce que le client va te demander un duo. Alors il va te dire est-ce que t'as pas des copines avec qui et alors est-ce que tu connais ah ben t'es pas oui oui effectivement et puis même voilà et puis on se donne des conseils entre nous oui, oui, bien sûr mais encore une fois enfin ouais c'est effectivement, on a nos clients préférés, enfin, dans les deux sens, c'est-à-dire que, mais oui, c'est pas qu'on se les échange, quoi, tu vois, c'est que eux, ils vont voir plusieurs filles, donc de fait, voilà. Mais après, c'est pour ça qu'après, on est au courant, et donc, c'est bien, ouais, tu vois. On parle de nos clients, on sait comment faire, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas, ouais, ouais, bien sûr. Et après aussi, il y a beaucoup d'appels, ça peut être intéressant à dire, pour la région Midi-Pyrénées. Je ne suis pas qu'à Toulouse. En campagne, ils demandent beaucoup aussi de... voilà. J'ai Saint-Gaudens, Auch, Montauban, Albi, voilà. Il y a des frais de déplacement. Oui, il y a des frais de déplacement, bien sûr. Ouais. Alors, C'est pas prendre en temps. Moi, je pense que la vision que ce monsieur a du travail est juste. C'est-à-dire que pendant toute notre vie, on ne devrait pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. On devrait avoir le choix de faire ce qu'on veut. Et pour ça, il faudrait qu'on vive dans un monde avec toutes les égalités qu'il faut. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais je voudrais savoir si on peut voir le travail que vous faites comme... un travail social. C'est-à-dire que vous aidez quand même des gens à avoir du plaisir et vous avez une rémunération contre ça. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Si c'est un choix et si c'est quelque chose que vous faites par plaisir. Et je pense que l'État devrait légaliser ça en tant que travail social, enfin, c'est-à-dire pour aider des gens qui ont des problèmes par rapport comment dire les rapports sociaux, oui, voilà, par rapport à leur vie sociale, qui n'arrivent pas peut-être à communiquer ou bien qui veulent juste avoir du sexe tout simplement. Et je pense que peut-être ce serait une bonne idée pour faire passer un peu la pilule de certaines personnes qui pensent que c'est contre la femme ou que c'est contre la morale, qu'il y a un bien particulier. Si la personne qui le fait et, veut le faire, il prend plaisir, si tout le monde est d'accord, si ça se fait dans la légalité. Enfin, le consentement. Tout ce qui est légal n'est pas bien ou mal, mais oui, consentement. Je pense que ce serait un bon début pour faire évoluer votre statut, mais par rapport à vous-même aussi, parce que je pense qu'il y a quand même des personnes qui se sentent mal, par rapport à ça, qui ne peuvent pas avouer aux personnes de leur famille, les gens qu'ils aiment, qui font ce travail, et par rapport aussi à la société. Enfin, il faut mettre dans un bon paquet, même si on sait tout ce qui est, enfin, ce qui est vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que ce travail, il est, enfin, c'est pas quelque chose de mauvais, sauf si on est forcé, comme tous les travails. Mais peut-être ce serait une bonne idée pour le présenter à la société, couvert de petits nœuds, là. Il y a plusieurs choses que tu as dites en fait dans ce que tu dis, et au tout début en fait ça m'a fait penser à Grisili Disreal, qui est, donc c'est le nom que porte l'association à Toulouse, mais avant tout c'est une personne, c'est une pute genevoise qui a été militante, voilà, une des premières militantes qui a défendu les putes dans les, voilà, qui a fait pute longtemps dans sa vie pourtant, hein, mais voilà. Et donc elle nous appelait, enfin elle s'appelait elle-même, je crois, il me semble que ça vient d'elle, les infirmières de la sexualité publique, voilà. Donc ça répond un peu à ton côté, le côté de ce que tu évoquais, côté social de la chose, quoi, voilà. Après je rappelle quand même que mes clients, effectivement, tu discutes avec eux, tu les aides, ils ont tous des problèmes, mais à peu près comme tout le monde dans la vie, donc le divorce, le machin. Effectivement, il y a ce côté un peu social, mais il faut quand même le dire que 99,9%, ils veulent quand même faire l'amour. Ah oui, mais je l'ai voilà. Dit ça aussi. Oui. Mais voilà, et qu'après, il y a des. Après, ça dépend. Il y a différents clients. Il y a le client qui, voilà, qui est une heure, et puis celui qui te prend trois heures, bah, forcément, tu sais bien que tu n'auras pas le. Même truc, donc il y a un côté social qui est important, mais c'est pas toujours le cas. Et je pense que c'est notamment pas tout le temps le cas quand des fois il y a des rendez-vous d'une demi-heure, tu vois. Bon, tu fais peu de social hein, quand même. Mais, quand je disais mais social, non, mais j'ai, tu vois, j'explique que quoi. Mais enfin, tu vois, t'évoquais quand même le relationnel avec le client, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc effectivement, ouais. Donc il y a ça, mais il y a pas que ça, quoi. Et il y a encore une fois, après, tu abordais encore le sujet des filles qui ne veulent pas, qui sont forcées. Encore une fois, moi, je répète, je viens de dire, c'est qu'à partir du moment où on veut aider une population, puisque le Parti Socialiste a décidé d'aider les putes, on ne tape pas sur une population qu'on veut aider. Et donc, à partir de là, on exige des droits, on en demande, on lui fournit des droits de droit commun, classiques, pour qu'elle puisse s'en sortir un minimum dans la société dans laquelle on vit, qui n'est absolument pas formidable. Voilà, donc je le répète, encore et encore. Voilà. Du rapport, mais bien sûr, on ne peut pas faire abstraction de l'inégalité des représentations entre les personnes qui offrent le service et les personnes qui consomment le service. Et à partir de là, il faut rajouter à l'analyse capitalistique de l'échange, une analyse patriarcale aussi de la société. Et je souhaitais vous soumettre cette petite idée qui est souvent dans les représentations, on dit il y a de la prostitution parce qu'il y a des hommes. En fait, parce que les hommes ont des besoins sexuels répressibles, leur femme ne leur suffit pas, leur copine ne leur suffit pas. Et donc du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde à ce besoin sexuel. Déjà, on parle de besoin. Alors que cette même, la sexualité est socialement construite. Elle est travaillée par des imaginaires, elle est travaillée par des représentations qui aujourd'hui se déchaînent aussi sur certains types de médias. Et donc, l'idée que je propose et que je propose de réfléchir, c'est en effet, c'est pas parce qu'il y a des hommes qu'il y a de la prostitution, mais il faut qu'il y ait de la prostitution pour qu'il y ait des hommes. En tant que je parle homme, en tant que véritablement fabrique d'un genre masculin qui passe par la consommation du corps d'une femme, parfois de façon violente, parfois moins, mais en tout cas, le fait de devenir homme, et d'ailleurs, si on en revient à l'histoire, le rituel d'un moment d'initiation dans la littérature du XIXe siècle, il y a toute l'initiation des pères, de leurs fils, par le passage par le bordel, c'est comme ça que se fait la transmission de la virilité. Et en tant que, voilà la question qu'on doit se poser aussi, alors en tant que femme et en tant qu'homme aussi, c'est aussi la question de la différence des sexes, et comment ces sexes sont travaillés, sont produits par la société, et comment une institution ou en effet une pratique, auquel cas ici une pratique sexuelle tarifée, participe de cette différence de sexe et de cette inégalité. Voilà, dans cet agent, et donc voilà, c'est ce que je souhaitais mettre un petit peu sur la table pour réfléchir ensemble aussi à ça. À côté de l'analyse. Salariale sur la question de ce que Frédéric Lambon appelle le captura, une vision globale du salariat, la question de la force de l'accaparation des forces de l'énergie vitale, quoi. Par la boule. Alors là, tu as abordé beaucoup de choses différentes et notamment des choses dont j'ai déjà répondu parce que j'ai parlé des besoins justement irrépressibles des messieurs qui n'existent pas, donc voilà, voilà. Et, ou alors où on en a autant qu'eux, enfin voilà. Enfin, donc c'est rigolo parce qu'au début, tu as parlé de capitalisme, marchandisation du sexe qui était en lien avec le patriarcat. Alors a priori, si on rentre vraiment dans les analyses féministe, hein, le patriarcat il existait bien avant le capitalisme, hein, il date pas du capitalisme, hein, on est d'accord sur ça. Donc la marchandisation du sexe, je crois qu'elle existait aussi avant le capitalisme. En plus, tu parlais du passage du bordel, père-fils, etc. etc. Donc c'est vraiment un très très vaste sujet et je pense qu'on n'aura pas le temps du tout de résoudre ça, même si tu lances les idées comme ça, c'est intéressant. Mais moi, je vois très, très bien où tu veux en venir. Mais sur l'idée des besoins, j'avais déjà bien dit tout à l'heure hein, qu'on n'est pas du tout en termes de besoins, qu'on ne fonctionne pas du tout dans ce cadre-là. Et je pense que la prostitution, au contraire, si on s'intéresse un tout petit peu au discours des travailleuses du sexe, elle dit tout le contraire, quoi. C'est vraiment ce que j'ai dit dans mon intervention, je peux même la reprendre, c'est qu'il m'arrive de prendre mon pied avec mes clients autant que je ne prends pas mon pied avec quelqu'un que je ramène chez moi, autant que je l'ai dit, l'important, l'impératif de la jouissance est vraiment emmerdant pour tout le monde dans notre société, quoi, et que ça soit rapport tarifé ou pas tarifé, voilà. Et que dans les rapports tarifés, il y a autant de manières de faire l'amour que dans les rapports non tarifés. Enfin, tout est possible. Ensuite, quand tu parlais du fait qu'il y ait plus... donc, évidemment, tu disais qu'il y avait plus de filles prostituées que de garçons. Ça, rien n'est moins sûr, puisqu'on parle très peu de la prostitution masculine, que je n'ai pas voulu aborder aujourd'hui, puisque je ne suis évidemment pas... j'ai pas de bite, quoi. Donc je peux pas en parler. Mais je l'ai dit, quoi. J'aurais bien voulu qu'il y ait des trans, j'aurais bien voulu qu'il y ait des travailleurs du sexe qui s'expriment ce soir. On n'a vraiment aucun chiffre, on ne sait pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que sur les sites internet dans lesquels je mets mes annonces, il y a, tu choisis, quand tu t'inscris, tu mets « je suis un garçon, je suis une femme, je suis un trans » ou « une trans ». Tu as toutes les cases possibles. Hein, tu remplis tout. Hein, t'es brune, t'as quelle peau, t'as machin, tes trucs. T'as toutes les possibilités. Je pense que vraiment, si on se penche sur internet et qu'on va fouiller un peu sur ces sites-là qui existent, sur les sites d'escorte personnelle, sur tout ça, on voit... que je crois que dans les rapports tarifés, il y a énormément de choix, quoi. Il y a vraiment énormément de choix, que c'est absolument pas aussi stigmatisant que ce qu'on veut nous faire croire, quoi. Alors effectivement, ce qu'on voit, c'est les putes de rue, etc. Ouais, c'est vrai. Mais clairement, on est très nombreux sur Internet aussi, ça se voit moins. Et puis bon, moi je trouve que c'est enfermant de mettre ce débat de ce point de vue-là. Après, c'est toujours intéressant. Mais on parle encore une fois très peu de prostitution masculine, qu'elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Moi, je me rappelle encore que j'avais assisté à des débats où on parlait du développement de la prostitution masculine et hétérosexuelle, c'est-à-dire que ces femmes qui avaient les moyens de se payer un gigolo, c'était de plus en plus répandu, elles allaient en voyage. Voilà. Après, il y a plein de prostitutions. C'est minoritaire quand même, c'est d'accord. Non, la question. Le client, c'est un homme à 90%, 99%, non ? Oui, non, mais. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord ? Non. Bah, oui, bah, ouais, bah, c'est ce que je suis en train d'expliquer, quoi. Je pense que la prostitution qu'on voit avec 99%, c'est des femmes. Ouais, ce qu'on voit, ouais, c'est des femmes. Après, il existe très peu de prostitution. L'inverse, je disais le consommateur, le client, je parlais. Oui, je sais. Et toi, oui. Tu parles de. Non. 90. Oui, non, mais. Non, elle a pas pris son bâton de parole. Elle va prendre le bâton dans la gueule. Ce que je veux dire, c'est que clairement, je déteste m'exprimer sur des chiffres parce que les chiffres, on les a pas. Les chiffres, tout ce qu'on a comme chiffres, c'est les chiffres de la police, c'est les chiffres des arrestations de rue. On ne sait pas. Clairement, on ne sait pas. Moi, je dis, quand je m'inscris sur un site pour mettre mes annonces, je suis à peu près sur 6 sites différents. À chaque fois, tu as le droit de cocher la case garçon-fille et qu'il y a une prostitution masculine réelle dont on entend très peu parler. Oui, de client, femme, de la cliente. Le client est majoritairement le consommateur. Et c'est ce que je te dis, ce que j'étais en train de dire, qu'il se développait la prostitution hétérosexuelle masculine, où des femmes de plus en plus faisaient appel à des gigolos pour partir en voyage. Alors évidemment, peut-être que ça arrête. Mais parce qu'on est dans une société patriarcale, on ne peut pas demander à la pute d'être en avance sur la société. D'ouvrier. C'est pas contre toi, c'est parce que je suis pleine d'énergie, quoi. Mais je veux dire, c'est ça, quoi. Nous, on va nous... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Effectivement, on est dans une société patriarcale, mais ce que je ne supporte pas entendre dire, c'est que le système prostitutionnel est l'archétype du patriarcat. Non, et que nous, on serait responsable du système patriarcal, qu'on serait au top du top là-haut, quoi, et qu'on serait en haut de la chaîne, et que c'est à cause de nous que ça se reproduit. Mais c'est ça le discours qu'il y a, tu vois. Sur le salarié, non. Voilà. Voilà, mais c'est ça, le discours. Dans les discours abolitionnistes, c'est ça qu'on entend. De toute façon, l'histoire, c'était que je voulais répondre à ce que tu disais, mais tu viens d'en parler. C'est chiant, le bâton de parole, non? Ouais, par rapport à ce que ça résume ce que tu disais, toi, la copine au t-shirt violet. Et moi, je voulais le répondre à ce que tu disais aussi, par rapport à la notion de travail. En fait, la notion de travail, des fois, tu dis qu'on est fatigué de travailler. Moi, je suis pas forcément d'accord. On peut être fatigué du boulot, fatigué de travailler, j'en sais rien. Il y a des vieilles putes. Ça dépend du concept du travail. On peut aimer son boulot, on peut aimer le boulot qu'on fait, ou on peut le détester. Et même quand on aime son boulot, on peut détester y aller le matin, on peut détester le faire certains jours, on peut détester, comme elle le disait, on peut détester le faire certains jours, on peut énormément l'aimer d'autres jours, ça dépend. Et puis dans l'ensemble, en être satisfait. Et ça dépend de l'ouvrage. Il y a mille et une façons d'aborder l'ouvrage qu'on fait. Moi, je préfère parler d'ouvrage plutôt que de métier. Alors, ça dépend pour qui tu bosses. Si tu bosses pour un patron, si tu rentres dans le salariat, ou si tu bosses pour toi, ou si tu bosses pour ta gueule, quoi. En fait, c'est caduc ce que je disais, parce que ça a été repris par toi au t-shirt violet et puis par toi, t'as jaspiné. Moi, je voulais parler aussi de l'histoire sociale c'est que l'histoire sociale, c'est que en fait, quand tu te fais plaisir aux autres dans ton boulot, c'est qu'à la finale, ben, tu te sens moins crado, quoi. T'as moins la culotte sale et c'est vachement plus ça fait plaisir, quoi. Voilà, j'ai fini de parler. Si vous voulez utiliser votre putain de bâton de parole, allez-y. Banco. Non, moi je veux juste dire que du coup je suis stagiaire à Rizé. Voilà. Bon, j'ai pas pris la parole tout de suite parce que je préférais que ce soit déjà toi qui parles. Ouais, et que je suis stagiaire que depuis 2 semaines, donc je ne vais pas prendre la parole. Juste, il y a le nouveau rapport d'activité de Rizé 10, donc de l'année 2012, qui est sorti. Et donc, si vous voulez des informations sur ce qui se passe au suivant des années, etc., vous allez sur le site rizé10.com. Quand vous tapez Rizé10 Toulouse, c'est le premier site sur internet, voilà. Où vous pouvez avoir les rapports d'activité de 2012, de 2011, peut-être celui de 2010, et avec plein d'informations sur la santé, sur le logement, sur voilà, les lois. Il est plutôt bien fait ce site. Voilà. Avec quelques articles. Ouais, moi je suis désolé, je vais être un peu confus, et puis c'est vraiment une question d'ignorant, puisque c'est vraiment pas. Je vais rebondir sur ce que tu disais au tout début. Tu disais, oui, il y aurait d'autres questions, comme la question du féminisme et de la prostitution. Oui. Évidemment, ça tourne autour de ça, abolitionnisme ou pas, etc. Non. Et plus généralement, je voulais du coup élargir avec cette question de la question de la prostitution et du mouvement social, révolutionnaire ou pseudo-révolutionnaire. Tu disais tout à l'heure, Clémentine Autain, si je ne me trompe pas, c'est la nana de Hello, c'est ça? Non, elle est apparentée communiste. Ouais, bon. Et après, le front de gauche qui serait abolitionniste, mais il ne serait pas abolitionniste de la même manière. Donc en fait, quand eux, ils parlent, déjà, bon, ils parlent évidemment, et ça, on le retrouve dans toutes les luttes, que ce soit un permanent syndical qui parle à la place du travailleur ou un politique qui parle à la place, bon, voilà, c'est toujours des gens qui parlent à la place d'autres. Et alors quand ils en parlent, ils en parlent comme ça, et j'ai l'impression qu'il y a toujours cette substitution d'un ordre moral en remettre un nouveau, et c'est eux qui le définissent au final. Mmh. Ou alors on n'en parle pas du tout, il y a carrément un impensé de cette question-là, du rapport au sexe et de l'argent. Et donc, pour en venir à ma question, je voulais savoir si vous saviez, parce que moi vraiment je ne sais pas, comment en Russie, comment en Espagne en 1936, etc., ces problématiques ont émergé et en pratique historiquement, est-ce qu'il y a eu des choses moi je ne suis pas... Je ne suis pas spécialiste de l'histoire des mouvements de putes. Oui, mais après, de ce que je sais, de ce que je lis, c'est que c'est vrai qu'une des premières fois où les putes se sont organisées, c'était en 75, à Lyon puis Paris, à la fameuse église, ce mouvement assez connu. Il y avait Grésil et Céral, il y avait Hula, machin. Et donc, à partir de là, c'est les premiers mouvements, enfin, plus ou moins contemporains, on va dire, de mouvements de putes vraiment clairement affichés et médiatisés. Et c'est vrai que les travailleuses du sexe, à cette époque-là, elles avaient aucune structure, rien, aucun groupe. Et que quand on est un groupe comme ça, tout neuf, de travailleurs, on ne sait pas forcément non plus comment s'organiser, comment militer. Donc, de ce que j'ai lu à droite à gauche, il est vrai qu'à ce moment-là, d'une manière assez naturelle, entre guillemets, les féministes sont venues aider, toute une frange aussi des mouvements de gauche à l'époque venait aider les putes à s'organiser, mais de manière assez a priori assez bienvenue, c'est-à-dire solidariser, organiser des soupes, ramasser de la thune, des choses assez vraiment terre à terre, comment faire un discours, comment faire des choses qui a permis vraiment a priori aux putes de un peu s'organiser. Mais vraiment je veux pas m'avancer trop parce que je me sens un peu voilà, mais c'est ce que j'ai lu assez récemment. Donc comme ça le mouvement militant à partir de là un peu s'est solidarisé un peu de ce mouvement-là. Mais très vite c'est hop entre 1975 et les années 2000 où il y a eu un autre mouvement assez important donc en France. ça s'est un peu désolidarisé parce que ce qui leur pose problème, c'est que jamais il y a eu cette acceptation de la prostitution. On veut bien soutenir les prostituées, mais il est très difficile de soutenir la prostitution parce que, donc, d'un point de vue purement électoraliste pour les mouvements politiques, ça marche pas du tout, quoi. Là, ça va pas le faire. Donc, ni le Front de Gauche, ni le Parti Socialiste, va, à l'heure actuelle, hein, mais c'était pareil à l'époque, va s'amuser à aller soutenir la prostitution. Enfin, ou du moins soutenir les prostituées, parce qu'ils ont trop peur de l'amalgame. On est pour la prostitution, puisque dans la société, voilà quoi. Donc à partir de là, c'est vrai que on est à l'heure actuelle, pour parler de l'heure actuelle, on est seul sur le terrain. Donc mis à part, par exemple ce soir, des initiatives comme ce soir, hein, ce qui ne veut pas dire que la CNTIT, voilà, mais en tout cas prend l'initiative de débattre sur ces questions-là. Sur Toulouse, c'est à peu près, les seuls. À part, évidemment, individuellement, des individus. Enfin, moi, j'en rencontre plein, hein, des militants ou des qui n'ont qu'un problème avec ça. Mais dans leur organisation, c'est très tu, pas débattu. Voilà. Et où, officiellement, c'est, non, pénalisation du client pour ce qui est des mouvements, des groupes électoralistes, hein, qui se mettent sur des listes, etc. Donc, ça, c'est sûr. Et au niveau national, une des seules élues qui nous soutient, c'est une élue verte, Ben Bassa, il me semble qu'elle s'appelle, et qui, elle, mais qui est vraiment de manière donc officielle, mais autonome au sein de son parti, dit qu'elle soutient clairement le Stras et le combat du Stras. Après, c'est au sein des Verts qu'on voit émerger quand même... des débats, un comité, tu vois, comme ça, qui va parler du cas de la prostitution, etc. Pour le reste, j'ai eu de vagues discussions avec des militants de Front de Gauche assez horribles. Voilà. La question concernant l'histoire de la prostitution, des révoltes, le mouvement révolutionnaire, il libère la sexualité. Voilà. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de prostituer. En février 17, en Saint-Pétersbourg, quand ils ont foutu le tsar dehors, les gens faisaient l'amour dans la rue. Pourtant, il faisait froid. Il y a des scènes, quand vous lisez des scènes, ils se battaient, et en même temps, ils avaient des rapports sexuels. La constitution de 17 de la Russie, au niveau de la sexualité, c'était la plus libérée qu'il y ait jamais eu. En 36, la constitution a disparu. Pourquoi? Parce qu'on a foutu à l'air le carcan sur la sexualité. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire l'impasse, effectivement, sur ce que c'est que la sexualité aujourd'hui. Mais moi, je ne sais pas si je suis pour la prostitution. Moi, je suis pour le droit à l'orgasme. Voilà. Moi, j'aime avoir du plaisir. Mais c'est normal. Il faut l'affirmer. On est conditionné pour avoir du plaisir. Si on lit les travaux des neurophysiologistes actuels, Changeux et Derek Danton, hein, un Australien et un Français, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'être humain, il fonctionne sur la récompense. C'est-à-dire que les émotions primordiales, c'est-à-dire quand vous avez des besoins vitaux, eh bien, ils sont satisfaits parce que vous avez envie de le satisfaire, non pas parce que vous savez que c'est utile pour votre vie, mais parce que c'est bon pour vous. Vous avez du plaisir à la sexualité, comme vous avez du plaisir à pouvoir manger, comme vous avez du plaisir à boire, comme vous avez du plaisir à discuter. Parce que c'est vital. Et la sexualité, c'est vital. Et effectivement, le système capitaliste, en imposant un carcan sur la sexualité, il s'approprie vos vies. Voilà. Il marchandise les rapports. De la même manière qu'il met un carcan sur l'alimentation et qui monopolise les boissons et tout ça. Parce que tout ça, c'est des besoins vitaux qu'on a, et on n'arrive pas à exprimer qu'effectivement, ça fait plaisir. Voilà, moi, ça me fait plaisir d'avoir un orgasme. Et alors, tout à l'heure, on dit, alors les hommes, ils ont besoin d'orgasme, c'est irrépressible. Alors, bon, ben oui, or, c'est irrépressible. Mais ça m'étonnerait que les femmes n'aient pas besoin de plaisir. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc il faut arrêter avec ça. C'est pas forcément, l'homme n'est pas un être pervers, qui cherche à avoir un orgasme partout dès qu'il peut. Voilà. Non, alors, l'homme est un être vivant, le meilleur moyen qu'a trouvé la nature, hein, pour se reproduire, c'est le fait qu'on ait plaisir à avoir un acte sexuel. C'est comme ça que les neurophysiologistes expliquent la formation du cerveau. Hein? Donc, en tant qu'anarchiste que libertaire, moi, je suis pour la libération de la sexualité, l'abolition du salariat, et effectivement, à la fin, une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus besoin de se prostituer. Parce que les gens, ils baiseront dans tous les coins, et on n'aura pas besoin du banquier pour baiser. Voilà. Non mais, à un moment donné, il faut être clair, quoi. Il faut être clair et cohérent, quoi. Hein. Alors, effectivement, au début, il faut s'organiser, parce que quand on est travailleur, on ne va pas dire aux travailleurs, ouais, mais ton travail, c'est de la merde, hein. C'est soit le patron qui est de la merde, mec. Il faut être clair, quoi. Hein. C'est le patron qui est de la merde, c'est pas le travailleur. Le travail que tu fais, tu es toujours propre quand tu le fais. Tu le fais le mieux que tu peux. Mais tu es toujours propre. Le patron, le gars qui t'exploite, le gars qui t'abuse et tout, eh bien lui, c'est de la merde. Et c'est contre eux qu'il faut lutter. Voilà, parce que ces gens-là, ils mettent des carcans sur nos vies. Voilà. Et entre parenthèses, quand même, bon, je ne sais pas le patriarcat, mais quand tu as parlé de la prostitution, moi j'ai remarqué la prostitution à plusieurs vitesses. Comment ? Alors le pauvre, lui, hein, voilà, il va dans la rue et DSK, lui, là, le truc. Voilà, c'est organisé de manière. Effectivement, mais ça, on est bien dans le cadre, mais dans tous les travaux, on a ça. Moi, dans mon domaine, c'est pareil, c'est à plusieurs vitesses. Le gars qui n'a pas d'argent, eh bien, il mangera moins bien que le gars qui a plus d'argent. Tout ça, c'est totalement anormal. Et arrêtons avec la morale et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Même avec le féminisme, ça a peu de rapport au féminisme. C'est effectivement. Mais non. C'est comment le capitalisme impose. Les deux. Voilà. Ouais, non, mais c'est comment le capitalisme impose des carcans. Voilà. C'est-à-dire que, eh bien, si tu veux assouvir un orgasme, eh bien, il faut payer, ou je ne sais pas quoi. Mais attendez, les femmes, elles se mouvent, et les hommes. Tu veux répondre ? Bon, je vois bien que, oui, moi aussi, je suis très enflammée par comme ça. Et alors, il faut pas tout mélanger. Mais moi, déjà, je veux pas qu'on oppose prostitution à jouissance. C'est pas possible, hein, d'accord. Voilà, parce que c'est pas parce que tu jouis en payant que c'est moins bien que si tu jouis gratuit, hein. Non, chut, t'as ton parole. Après, ce qu'il faut que tu fasses attention quand tu termines comme ça, c'est que faut pas mélanger utopie et réalité, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est voilà. Parce que effectivement, mais même quand on sera dans une belle société anarchiste et libertaire, sans argent, il faudra bien qu'on trouve un moyen d'échanger. Il y aura du troc ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Enfin voilà. Mais c'est pas dit qu'on troquera pas encore du sexe, tu vois. Enfin j'en sais rien moi. C'est pas dit que tous les problèmes de tous les gens se régleront comme ça. Enfin, c'est quoi cette idée que quand c'est gratuit, c'est forcément meilleur? Enfin, et je veux dire, faut faire attention à tout ça. Moi, j'essaye pas non plus d'aller très loin, mais tout ce que je vois, c'est que tout ce que je vis avec mes clients, voilà, c'est pas dégueulasse, c'est pas sordide. Ça peut l'être pour certaines filles, mais en tout cas, voilà, pas pour moi. Et ça, je suis pas la seule à vivre ça. Et ça, il faut qu'on l'entende. Donc, la prostitution ne s'oppose pas à la jouissance. Voilà, l'argent, ouais, effectivement, il est là. Et effectivement, on a un problème avec l'argent, comme tu disais tout à l'heure. On a un problème avec le sexe. On a, voilà. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Donc, voilà, je finirai juste en disant, prostitution n'est pas à l'opposé de jouissance. Payer pour avoir du sexe n'est pas ne veut pas dire que c'est moins bien que quand tu fais du sexe gratuit. Ça peut même être mieux, en fait. Voilà, parce que ça dépend de plein de choses, ça dépend pas que de l'argent, quoi. Et ensuite de ça, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de notre réalité quotidienne maintenant, de ce qu'on veut maintenant, ou est-ce qu'on parle d'une utopie? Alors effectivement, l'utopie, moi, quand j'y serai, je travaillerai pas, hein, ça, et que ça soit en faisant du sexe ou autre chose, mais c'est pas dit que je troque pas un bouquin contre une carotte, ou que je une punie contre, je te donne une baguette de pain, enfin, j'en sais rien, enfin, tu vois, c'est pourquoi pas. Je vois pas en quoi ça s'oppose. Non, moi c'était ton intervention qui m'a fait vraiment tiquer, parce que je pense qu'on cherche à se libérer les hommes et les femmes. Et c'est se libérer d'abord du conditionnement dans lequel on serait selon les neurobiologistes. Et changeux, c'est de la merde. Et les neurobiologistes, c'est de la merde. Comme tu as dit, les patrons sont de la merde. Ces gens-là, c'est des patrons de comment on est. Et alors là, moi, je lutte contre. Parce qu'on nous dit qu'on est prédéterminé, qu'on est conditionné au plaisir. Et bien moi, je demande aussi le droit au nombre à avoir la paix. À peut-être pas d'orgasme ni rien. Parce que c'est pareil. Hein. L'injonction. Il y a des publicités à la télévision qui vous disent que si vous n'avez pas d'orgasme pendant 15 jours, vous devez aller consulter le psychiatre. Hein. Il y a eu ce truc-là. Eh bien, merde. Ça, il faut dire merde aussi à ça. Ouais, bravo.